moi je suis ailleurs. En ville je me balade, capuché comme le guetteur. Oh là que ça fait peur, j'ai toujours la balafre. Naps, Supreme. J'avais plein de problèmes dans ma tête, et ouais, et ouais. Je te laisse le volant ce soir, je suis pas bien, j'sais pas pourquoi. Pourquoi t'avais pas compris la tête dans mes soucis, et toi tu l'avais juste dit pour toi. On t'avait dit qu'on est dans toute la ville, mais tu la voulais juste pour toi. On est calé, on est cool, je sors du quartier, c'est le petit frère qui tient les comptes. J'ai toujours porté mes couilles, j't'ai tendu la main quand t'étais en plus bas de la pente. On traînait dans la ville, on partait, on revenait, on deal. Pour toi c'est l'asile, j'ai le cœur bien habile. Supreme.